Nous y voilà, c'est sur ce quai que tout a commencé. Dans cette gare que je devais quitter. J'attendais le train et... J'attendais mais... Quand il est arrivé, moi, je suis restée scotchée. J'aurais dû mais... Je suis restée plantée, moi. Les pieds trop lourds pour monter ces quelques marches. Je l'ai regardé partir. J'ai regardé partir ce train qui aurait dû m'emmener là-bas. Plus loin. Ailleurs. Là où j'aurais eu besoin de me retrouver. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis mis à divaguer. J'ai débloqué. Même si j'étais restée plantée, moi, sur mon quai, mon esprit s'y est imaginé, à l'intérieur de ce train. De ce train qui aurait dû m'emmener là-bas, plus loin, ailleurs. Ce jour-là, je me souviens qu'il pleuvait. Mon esprit était à l'abri, lui, dans son train. Je regardais la pluie s'écrouler sur la vitre. Et très vite, je suis partie à la dérive. J'ai déraillé. Adultes dans le brouillard, des jeunes qui parlaient fort, des jeunes qui parlaient faux. Moi je disais rien, j'observais. Mes oreilles débordaient, elles débordaient de ces cris, de ces rires, de ces mots, de ces insultes, de ces sonneries de portable. Moi qui cherchais juste à me poser tranquillement sur des rails, dans un calme qui m'emmènerait dans mon là-bas, mon plus loin, mon ailleurs. Alors, mon esprit a pris ses pensées à son cou. Les images se sont évanouies d'un coup, et je me suis retrouvée moi, les deux pieds plantés sur ce quai, vide. Je serai toujours là, moi, toujours là, à dérailler, à dérailler. Thank you. Merci.